107 Manette Overdrive, épisode, ou plutôt pilote numéro 4, j'ai en face de moi Shonen. Comment vas-tu Shonen? Ça va super et je pourrais danser ce sort de jingle toute la journée. Ah, ça me fait plaisir, j'ai eu du mal à le sélectionner. À ta gauche, tu as Loki. Comment vas-tu Loki? Salut Nel, tranquille et toi? Tranquillou, tranquillou. Et enfin, j'ai à ma droite, cette fois-ci, Proteus, qui est en plus d'être chroniqueur, tu es à l'arrière. Je suis l'homme à tout faire. Tu es l'homme à tout faire de cette émission. Ou l'homme qui fait tout. Ou l'homme qui fait tout. Qui fera peut-être le ménage après dans cette salle. Faut pas non plus déconner. Je suis pas ton chien. Faut pas non plus déconner. Alors on a galéré à lancer l'enregistrement de cette émission à cause des problèmes de studio. Mais maintenant ça va mieux après peut-être 3 ou 4 tentatives. Une heure de retard. Ouais, on a une heure de 40 bonnes minutes quand même. Hein. Alors qu'il suffisait juste d'appuyer sur 2-3 boutons sur la table de mixage. Mais passons au sommaire de cette émission. On va vous parler jeux vidéo avec Hotline Miami 2. On va aussi parler de la PAX East de Blizzard. Et on va aussi parler de DBZ Xenoverse. On va enchaîner ensuite sur du cinéma avec... Toujours, on va rester sur du Akira Toriyama puisqu'on va parler du film de Dragon Ball qui va sortir en avril. Et aussi un tout petit peu du dernier film de chez Disney Pixar. Corrigez-moi les gars si je me trompe. Non, tu te trompes pas, mais t'as oublié les roues. On va parler des roues. On va parler des roues dans le Quick and Dirty, mais on va parler... C'est le sommaire des rubriques en fait. Ouais, mais faut parler des roues, c'est important les roues. Tu viens de casser mon groove. Mais en effet, c'est important de parler des roues. Est-ce que tu es roue? Est-ce que tu peux te décrire... Non, je ne suis pas roue. Je... Est-ce que tu peux te décrire physiquement? Non, je pense que ce n'est pas utile pour notre émission. Rapidement, justement, je peux ressembler à n'importe qui, c'est le principe de Proteus. Rapidement. Rapidement, je ne ressemble à rien. Voilà, c'est fini. Hop, salut. Et donc, aussi débat pour terminer, on va parler de Big Hero 6. En français, c'est les nouveaux héros. Mais avant de parler de ce superbe jingle, avant de parler de tout ça, on va faire le petit Quick and Dirty. Balance un jingle au pif. Allez. Voilà, c'est pas mal comme du gauche. Super, c'est sûr. Le Quick and Dirty, pour rappel, c'est un flash info en fait, où on va parler de l'actualité geek en rapide et sale. Et on enchaîne tout de suite avec Star Wars. Star Wars, je pense que tout le monde l'attend, hein, épisode 7, évidemment. Mais là, je suis pas là pour vous parler d'épisode 7, mais je suis encore après, par le 8, qui sera donc le premier spin-off. Et on a un titre et une date de sortie, même si c'est prévu longtemps à l'avance, donc il sortira le 26 mai 2007, et à noter que c'est quand même 40 2017 ans. Peut-être. 2017, oui. C'est-à-dire que J.J. Abrams a prévu déjà avant même... J'ai loupé le... Qu'est-ce que tu as loupé enchaîne. Sorti en 2007, c'est-à-dire que je l'aurais loupé quand même. Ah ouais, ça aurait été un peu bizarre. Un bon moment. Un peu chelou, ouais. Et c'est pas J.J. Abrams qui le réalise. Hein. Non, l'épisode 8, c'est pas J.J. Abrams, parce que l'épisode 7, c'est J.J. Ouais, mais non. Les spin-offs, c'est différent. J'ai pas le nom là, mais c'est différent, ouais. J.J. Abrams qui a fait les Star Trek, si je ne me souviens pas. Je connais pas le nom du réalisateur, mais c'est celui qui a fait American Pie. C'est pour ça que c'était un peu what the fuck. Quand même. Comment? Comment? On va voir Star Wars Pie, c'est parti. La tarte aux pommes intergalactique. Je vois déjà Chewbacca avec la tarte aux poires, la tarte aux pommes. Un petit stifleur avec un sabre laser. Ça, ça passe. Et donc en gros, il sortira le 26 mai 2017, cette fois. Ça fait donc 40 ans, jour pour jour, avec l'épisode le tout premier, donc c'est le 4 maintenant, c'est ça? Ouais. Avec, donc 40 ans, jour pour jour, après le premier, et il s'intitulera Rogue One. Waouh, wow. Ça c'est de l'info. Bouya. Merci Shonen. Est-ce qu'on a un jingle? Allez, si tu veux. Pour le kiff, et maintenant on va parler de Titanfall. Eh bien oui, après la sortie du premier Titanfall, Vince Zampella, fondateur et patron de Respawn, confirme que le 2 est bien en développement. Plus près du micro, on t'entend pas. Ce monsieur a lâché peu d'infos sur cette sortie, mais on sait quand même que le jeu sera multiplateforme. Et enfin, si vous n'étiez pas au courant, les DLC de Titanfall, le premier, sont maintenant gratuits sur toutes les plateformes, donc PC, PC sur Steam et sur Xbox One et 360, donc sur l'Xbox Live. Donc c'est en gros, ceux qui ont payé se sont bien fait baiser. Exactement. Comme souvent d'ailleurs. Et voilà. Un petit jingle. Alors cette fois-ci, c'est moi qui vais prendre la parole et je vais vous parler d'Uncharted. Alors, je sais pas si vous avez suivi, sur Twitter, il y a le compte officiel de Xbox FR qui a fait un petit troll sur Uncharted 4. Puisque, ouais, Sony... Encore repoussé. Oui, bah voilà, c'est ça, tout à fait. Qui se calme Xbox, hein, ils tout ont à fait Proteus. Mais il y a pas beaucoup d'exclus en fait des deux côtés de toute façon, ouais. À part Bloodborne peut-être ce mois-ci. Et donc en fait, petit troll parce qu'Uncharted est effectivement repoussé non pas à la fin de l'année 2015 mais à la fin de l'année 2016. Et ils ont laissé un petit tweet où il y avait écrit « Qui va à la chasse ?» trois petits points, avec l'image de Lara Croft. Parce que c'est un peu le pendant du coup de Nathan Drake version en plus canon. Voilà, voilà. Et je garde la parole puisque je vais vous parler de la Reine des Neiges. Le mec qui s'aime. Tout le monde a vu la Reine des Neiges ici. Non, c'est de la merde. Évidemment. J'ai regardé que les premières 20 minutes, je pouvais plus supporter les chansons. Loki, tu n'as pas vu la Reine des Neiges. Comment as-tu pu louper ce chef-d'œuvre de Disney? Très simplement, je suis pas allé au cinéma. Tu n'as pas de petite sœur ou de... Eh bien non. Pourtant, j'ai vu à peu près tous les Disney, mais alors celui-là, je dois dire que... Parce qu'il est vachement bien. Tu fous de ma gueule. J'ai pas de petite sœur et je fais le fanboy un peu. Ah voilà, Shonen prend la défense quand même de ce signalisation. Et l'enfant. Enfin, mais... la news c'est quoi? Non, c'est pas forcément obligatoire. La news c'est quoi? C'est qu'il y a une rumeur qui court depuis plusieurs mois sur un éventuel Reine des Neiges 2. Et ça a été confirmé par le PDG de Disney hier, qui s'appelle Bob Iger. Ça a été un gros succès, il a fait plus d'un milliard d'entrées. En salle, c'est colossal. Putain. Qui veut chanter Libérer des livres? Non, c'est de la merde. Allez, c'est parti. Non, alors, Shonen, si tu veux le faire, tu le fais, mais t'es tout seul. Allez, Shonen a cappella. Je n'aimais pas beaucoup déjà le film, je pense que je l'aimerais encore moins si je commence à chanter. Ouais, non, mais franchement, ce film, c'est une chanson de 5 minutes toutes les 20 secondes, donc bon, si vous voulez. Une comédie musicale. Ouais. Donc, voilà, vous saurez quoi voir. C'est de la merde. On va parler d'un autre jeu vidéo, Remember Me. Et c'est à mon tour de prendre la parole, et je vais parler d'abord du studio qui a fait Remember Me. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de Remember Me, c'est un jeu... Il a pas fait beaucoup de beau, enfin, en gros, c'est un peu inaperçu. Tout le monde y a joué, personne ne l'a acheté, quoi. C'est tout le monde l'a craqué, tout le monde s'est dit « Ouais, c'est un jeu vraiment pas mal, il y a un univers et tout. » Que je me souvienne, c'était dans un futur plutôt proche, dans Neo Paris, une fille qui pouvait manipuler les mémoires des gens, et fouiller dans la mémoire, donc c'était plutôt assez original comme truc. Sauf que du coup, ça leur a mis vraiment... Comment dire? Ça les a mis vraiment à mal, le studio, Dontnod, parce que du coup, ils ont vraiment pas eu beaucoup de sous. Le développement a coûté masse thune. Et pourtant, ils ont annoncé Remember Me 2, il y a quelques jours. Contre toute attente. Ce qui est complètement étrange. On aime se faire craquer. Les mecs, ils ont plus vraiment d'argent, parce qu'en plus, ils sont en train de faire Life is Strange, et ils sont obligés de le faire au format épisodique, tellement ils n'ont pas d'argent. Lui aussi reçoit des problèmes de téléchargement pirate, en c'est fait. C'est ça, oui. Subit, plutôt. L'épisode 2, il devait sortir ce mois-ci, et on attend toujours des nouvelles. Bah, en fait, ils aiment bien se faire craquer, mais il y a un moment où ils peuvent plus. Faut pas craquer son slip. Oh, merci. Toujours jeu vidéo, on va parler d'Evolve. Eh bien oui, je sais pas si tu te souviens, Enel, mais le 10/02/2015, donc le 10 février 2015, est sorti Evolve, le tout nouveau-né de... Le mois dernier. Le mois dernier est sorti Evolve, le nouveau-né de 2K Games. Ouh. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais beaucoup de joueurs ont été déçus de ce jeu, en particulier parce que les DLC coûtaient très cher. Eh bien, pour se racheter, Evolve va sortir deux nouveaux maps, qui sont gratuits, et bien évidemment... Et c'est surtout que les DLC c'était des skins payants, oui, c'est quoi. Ça, c'est des skins et, enfin, c'est... et que le total des DLC coûtait plus que le jeu de base. C'est quand même bravo. Allez, on applaudit. 89€, je crois. C'est-à-dire que contenu qualité-prix, même, allez, si on place le jeu à 70 boules, même si plus personne n'achète son jeu à 70€, ça veut dire que en termes de qualité-prix, quantité, etc., ton jeu de base qui coûte 70 vaut moins que le DLC. Electronic Arts ferait presque office de bonne figure à côté de ça. Et sachant que toutes les DLC qu'ils ont rajoutées qui coûtent 89€ n'étaient même pas inclus dans le Season Pack, quoi. C'est-à-dire que t'as acheté ton Season Pass qui te donne accès à un lot de contenu et tu n'as pas tout dedans. Ouais, c'est ça. En gros, mais plus t'achètes, on vous nique dans les grandes largeurs et on en est content, quoi. On est loin de les 4 Dead. Donc pour se racheter, bah, ils ont sorti deux nouvelles cartes gratuites qui devraient apparaître d'ici peu et également un mode spectateur. Ouais. Ceux qui n'ont pas envie de jouer au jeu et plutôt de regarder. Oh, c'est toujours appréciable hein, pour un jeu qui est censé être un peu orienté e-sport. Oui. Enfin, ouais, enfin. Ah, orienté e-sport, il faut encore qu'il y ait des joueurs. C'est léger. Cette fois-ci, on passe à un peu de technologie avec Free qui a lancé sa dernière Freebox. C'est Xavier Niel qui a levé le voile il y a quelques jours dessus lors d'une conférence qui a été faite un peu à l'arrache. Les journalistes avaient reçu les invitations. Un peu du jour au lendemain. La veille à 3h du mat. Ouais, c'est un peu ça. Super. Et donc Free, en fait, contre toute attente, alors on s'attendait peut-être à un nouveau forfait mobile ou un truc dans ce genre-là, on se retrouve avec une Freebox... Mini, avec qui s'appelle... je retrouve le mot dans mes fiches. Freebox Mini 4K, qui pourra diffuser de la vidéo en Ultra HD 4K. C'est cool parce qu'il n'y a aucune chaîne qui diffuse sur ce format-là, donc ça sert à rien. Ce qui est d'autant plus cool, c'est qu'en fait, le format Ultra HD 4K, ce n'est pas la Full 4K, bon, on essaie de nous la faire à la HD, c'est-à-dire que tu diffuses en 3840 x 2160 de résolution, c'est pas la Full HD, la Full 4K pardon, il me semble que c'est 4000 et quelques et des brouettes, donc en plus de ça ton truc et est pas au bout. Et des brouettes putain. Un peu comme la fausse 4G d'Orange quoi à une époque. Ouais c'est un peu ça. Et la particularité de cette box aussi c'est qu'elle transporte Android, alors que Xavier Niel a toujours dit que nous ne serons jamais sous Android, etc. En fait, jamais! C'est un peu. Remets ton casque sur les oreilles, Shonen, je te vois l'enlever. Dans le mauvais sens. Tu me dis si je parle pas très très mal. Bon, au niveau des ports, etc., de la connectique, ça reste assez. ça reste assez basique. On a de la Bluetooth, SD, port USB, patati patata. Petite note tout de même sur cette box, elle n'a pas de disque dur, donc ça sera à vous de l'acheter. Pourquoi? Parce que Free évite, en enlevant ce fameux disque, de payer la copie privée. Donc ça sera à vous, utilisateur. Pour nous, ça change rien au final, au niveau du prix, parce que t'achètes un disque dur à côté. Ça fait au même prix, ouais. C'est juste Free qui se fait un peu de thunes de côté. Donc voilà, ça devrait être disponible ce mois-ci. Elle remplacera le modèle Crystal, qui est à peu près au même prix, à 29,99€ par mois. Et donc ouais, du coup, t'es obligé de passer à celle-là ? Non, pas du tout. C'est celle qui remplace, mais tu n'es pas obligé. Tu peux toujours garder ton truc désuet. Et surtout, c'est un truc de transition, parce qu'ils vont, en décembre prochain, présenter la Freebox Revolution 2. Donc ils sont en train de changer tout leur parc-mètre. Hein. Donc si tu veux, c'est une petite transition qui pour l'instant apporte rien de spécial vu que t'as aucune chaîne qui diffuse du 4K. C'est un peu du caca. Et, et donc on a retenu que on a retenu que la Freebox Mini 4K c'était un peu du caca. C'était la super vanne du jour. Allez, c'est à toi maintenant Proteus de nous parler un tout petit peu. D'Apple et des roues, parce que c'est un véritable drame dans le monde des roues. Apple a récemment dévoilé toute une nouvelle série d'emojis qui était destinée à symboliser la diversité des races dans notre monde, mais apparemment les roues n'en font pas partie parce que Apple était plein de bonne volonté, ils ont mis une mise à jour avec plein de couleurs de peau existantes pour que tous soient représentés en avatar, tu sais, vous savez, ces petits bonhommes qu'on n'utilise jamais. On a quoi dedans? Bah vous avez des blancs, des noirs, des asiates, ouais, des homosexuels, ouais. Alors, comment tu représentes un homosexuel avec un émoticône? Alors, je sens trop le cliché super homophobe, ça doit être sympa. Je n'ai pas Apple, honnêtement, mais voilà. Mais tout le monde peut désormais s'identifier. Pas du tout quand tu peux faire. Mais... Franchement, c'est facile. Non, donc, tout le monde peut désormais s'identifier à ces personnages, sauf les roues, parce que ils n'ont pas créé d'émoticône pour les humains aux cheveux roux. Ce qui a énervé Emma Kelly, qui a dirigé un site web appelé Ginger Parrot. En gros, le Ginger site de... have no souls. Jesus have souls. En gros, la réunion des roues sur Internet. Et face à une telle injustice, ils ont décidé de lancer une pétition. Le seul souci, c'est qu'il leur faut 10 000 signatures. Ils en sont qu'à 3 000. Et surtout, les roues représentent 2% de la population mondiale. Ça fait 138 millions d'utilisateurs potentiels pour iPhone. Mais je pense pas que ce soit vraiment la préoccupation. Je crois que c'est la première fois que j'aurais pu entendre un truc pareil à l'antenne. Non, mais franchement, les gars... Les roues, enfin déjà qui utilise des émoticônes en fonction de sa couleur de peau, genre salut je suis black donc t'envoies un petit mec black qui te fait coucou, enfin je sais pas, t'envoies une main qui fait coucou, qu'elle soit black, jaune, enfin tu t'en fous quoi. T'en fous ouais clairement. Non mais surtout que par exemple pour les mains qui font coucou ou les j'aime, tu fais comment? Tu mets une touffe d'une perruque rousse dessus? Enfin en soi c'est nul. Ou des taches de rousseur peut-être. Sur la main, c'est chaud. Je sais pas, je suis pas... En plus, de base... je peux pas vous dire. Et j'aime bien parce qu'on parle des roues, mais il y a aucun roue où on va se prendre un procès pour roussophobie. Ça va être chaud. Les cheveux pour éviter ça. Voilà. Allez. C'est la fin de ce Quick and Dirty, on va enchaîner sur la rubrique jeux vidéo et on va parler d'Hotline Miami 2. Alors on va peut-être changer de jingle ensuite, est-ce qu'on a T'es un autre sûr jingle? Bah si tu veux. Ah, non pas celui-là, celui à droite. Le jingle numéro 3. Le 3, il est à 0 secondes mec. Ouais, je préfère le 3. Comme ça fait une césure entre le Ok. Donc c'est un épisode pilote de 4 qu'on va sans doute diffuser et on va sans doute jamais faire de post-prod dessus. Il mais est un petit peu bordélique quand même. Ouais mais c'est ça qu'on aime, c'est le côté homemade je crois. Vous êtes pas d'accord? Homemade, on peut pas savoir ce que tu recherches sur certains sites. Sans commentaire, on va parler d'Hotline Miami 2. Sur le site de Next Impact, il y a une revue de presse qui a été faite sur ce Shonen de... nous a quittés. Shonen, reviens. Bon, je vais enchaîner parce que sinon on va jamais s'en sortir. Christian Diac sur le plateau. J'ai en face de moi la revue de presse d'Hotline Miami 2 qui ne fait pas l'unanimité. C'est le titre qu'a fait Next Impact. Alors j'ai joué au jeu. Est-ce que quelqu'un a déjà joué à Hotline Miami? Ne serait-ce que le premier. Oui, mais il est ouais. épique ce jeu. Premier du nom. Le FPS vu de dessus. Non, ça c'est de la merde donc tu fermes ta gueule. Loki, tu as pu jouer un peu ou pas? Alors absolument pas. Au moins vu des vidéos, des trucs. Bah, pas du tout. Jamais, alors, Hotline Miami 2, comme l'a très bien défini Shonen, c'est un FPS en vie de dessus. Non, arrêtez de dire ça. C'est Squeezie, hein, c'est pas moi, commence pas à me mettre là-dedans. Franchement, arrêtez de citer ça parce que c'est vraiment de la merde. Diffamation. Et donc, en fait, oui, donc c'est un jeu que tu vois en vue de dessus où tu débarques dans un niveau. Mais c'est vrai aussi. Oui. un peu à la manière des premiers GTA, tout à fait Loki. Okay. Où tu débarques dans un niveau avec une musique hypnotique, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Tu débarques dans un immeuble, premier étage, et ton but, c'est de défoncer tout le monde. Mais quand tu dis défoncer, c'est vraiment ça, c'est un vrai carnage. T'arrives, bim, t'as main nue, bam, tu donnes un coup, tu chopes le mec à terre, et tu et le tu lui éclates la tête sur le sol. Tu fais des scores, t'as des couleurs flashy qui apparaissent, c'est vraiment ultra défoulant et jouissif, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Tu ramasses sa batte et tu enchaînes en tabassant tout le monde. Tu leur crèves les yeux, tu défonces la latte. Ouais, non mais genre, t'as plus de balles, tu balances ton flingue pour le buter. Donc ça c'était Hotline Miami et dans Hotline Miami 2 en fait c'est la même chose. Donc si vous avez aimé le premier vous allez surkiffer le deuxième et inversement si vous avez détesté le premier vous risquez de ne pas aimer le deuxième. Et vous n'êtes pas humain. Ouais, pas humain. Alors parce que vous pouvez quand même défoncer la tête des mecs sur les toilettes. Hein. Il y a un niveau dans le 1 où tu débarques dans une salle de bain, il y a un garde qui est devant les chiottes, tu sais pas pourquoi mais tu peux le pousser à travers la porte et lui éclater la tête sur le chiotte. Alors tu soulèves un point assez intéressant Proteus parce que c'est un jeu qui est ultra violent. Il a été interdit en Australie mais ça m'étonne pas vu qu'ils avaient déjà censuré. Mais comme les mecs qui se font chier dans leur vie. Alors, en plus l'Australie ils censurent tout de toute façon. Alors, les mecs je sais même pas quel jeu ils ont chez eux. My Little Pony bordel. Alors on parle de l'Australie mais peut-être qu'en Turquie le jeu sera aussi censuré vu que à ce qui paraît Minecraft serait trop violent. Non mais eux ils ont déjà leur chiotte hein. C'est bon, ils vont pas, ils sont déjà à un haut niveau question difficulté de jeu. Donc voilà, après les roues, nous allons avoir des ennemis turcs ainsi que des ennemis australiens. On vous aime tous. On va se faire massacrer la gueule. On va pas parler des djihadistes parce que bon, ça c'est pas le moment. Je sais pas quoi dire d'autre parce qu'en fait finalement c'est un jeu qu'il faut vraiment avoir en main pour pouvoir ressentir les sensations. En regardant loin, c'est un peu ça peut paraître un peu vraiment bizarre, abstrait, mais une fois en main. Je le redis, c'est vraiment ultra jouissif. Alors, c'est disponible sous Mac, PC, PS3, PS4, PS Vita, en cross-buy pour ces dernières plateformes. C'est vraiment cool. Il coûte à peu près une quinzaine d'euros. Et le petit truc que j'avais dit tout à l'heure, ça divise. Le jeu divise en fait parce que certains même lui reprochent, le jeu a pas beaucoup évolué en fait. Ouais, mais enfin. Ce que je trouve être une force. Pourquoi changer une recette qui gagne? Quand elle est très efficace. Les Batman sont presque tous les mêmes hein, dans le fond. Et pourtant, ils sont de très très bon jeu. Si on prend les derniers Batman Asylum, Arkham City, le prochain Arkham Knight, il va déchirer sa race. Je sais pas si on dit qu'Origins existe ou pas. Origins, il est vraiment Origins, c'est sympa. Je l'ai pas joué mais il paraît qu'il est tellement buggé qu'il est sympa mais sans plus. Bon, enfin voilà, juste pour savoir les notes, il doit être à peu près au-delà de 16 même si les notes ça fait un peu polémique en sur 20. oui, parce que sur 10, c'est un peu compliqué. Donc un bon accueil, mine de rien, malgré ces petites remarques sur le gameplay qui n'a pas évolué. Sinon, c'est un bon cru, je le recommande vraiment à toutes et à tous. Allez, cette fois-ci, on va parler de toi, Loki, et de tes jeux préférés plutôt. On va parler des jeux estampillés Blizzard, parce qu'il y a eu la PAX East il n'y a pas très longtemps. Alors, je dirais pas que c'est mes jeux préférés, mais en tout cas, c'est mon éditeur de jeux préférés, Blizzard. parce que tout simplement il a fait World of Warcraft et rien que pour ça. Oh là. Beaucoup de respect. Oh. Alors qu'on va pas parler de. On devrait tous y jouer. Ils ont créé une machine à fric. Yeah. Ouais, tous vous tous jouez à WoW. Non, moi j'y joue pas. Tu devrais. Ça va arriver. Non, non. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau à cette PAX? Alors à la cette PAX East, qui a eu lieu la semaine dernière. Donc des nouveautés sur trois de leurs jeux, Hearthstone, Overwatch et Heroes of the Storm. Pour Hearthstone, le jeu de cartes, comme prévu, une nouvelle aventure dans la nouvelle extension, avec différentes allies d'exposés à débloquer, 5 ici, et des boss, 17. Bien entendu, comme pour chaque extension, de nouvelles cartes étaient présentées, il y en a 31 pour cette extension, et cette version sortira le mois prochain. Pour info, la version Hearthstone pour portable ne devrait pas tarder à débarquer dans nos poches. Et ça, c'est plutôt... Est-ce que le jeu est dispo sur tablette? Il est dispo sur tablette, mais pas encore sur portable. Ah, sur mobile? En smartphone Android, ouais, depuis un petit moment, un ou deux mois, mais je crois. Donc là, on a vu des images, je crois, ouais, du coup, à la PAX, mais... Donc bientôt, je dégaine mon... Dès qu'ils le sortent, moi, c'est bon. Tu dégaines ce que tu veux, mais du coup, on reste dans le cadre privé. Alors, je vais terminer ma phrase. Je dégaine mon S4 et je peux jouer à Hearthstone d'ici quelques temps. Normalement, oui. Enfin, je savais pas pour la version Android. Je pensais pas qu'il était déjà sorti. On vérifie si ça. Julien le dit. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Shonen? Pourquoi lèves-tu les mains en l'air? Je suis pas sûr du tout. Je veux pas dire attends, des conneries. On va vérifier ça. On va vérifier Attends, nous sommes de grands journalistes. Nous avons l'info en direct. Ne quittez pas. Enfin, si le réseau fonctionne, parce que là, ça rame de ouf. Nous n'avons pas l'info en direct. On va tenter le diable. Et donc, du coup. Mais en tout cas, pas de sortie sur Windows Phone. Hein. Oh, pour, c'est les triste. Possesseurs de Windows Phone, qui en a quelque chose à foutre? Bah, moi j'en ai un. Oh, c'est triste. Et oui, Hearthstorm HD, Hearthstorm, il est. Disponible sur Android? Ok, bon bah, autant voilà. Pour moi. Donc la version. Info en direct, Apple, breaking news. Pour mobile, ne devrait pas tarder. Donc tous les détenteurs de iPhone 5, iPhone 6 et tous les pigeons. Oh. Vous devrez pas tarder à pouvoir c'est y jouer. Petite dédicace, Shonen. Big up. Pour Overwatch, le grand nouveau... Range ton iPhone 5C. Le mec, il n'assume plus. Pour Overwatch, la grosse venue de Blizzard. Oh, oui. Alors, deux nouveaux héros ont été annoncés. Zarya, une russe aux cheveux roses, armée d'un canon à particules et d'une barrière protectrice. Viens, t'as tes mots. Et Zarya, on en parle ou... Non. Non, et ça risque d'être un tank. Enfin, ça, ah, tout ouais. Simplement. Ah oui, Zaya, oui, c'est un tank, oui. Moi, je veux bien la tanker. La classe, épargne-nous ce soir. Ami de la poésie, bonsoir. Tu l'as pas vu, hein, parce que pour dire ça, à mon avis, tu l'as pas vu. Ah, tu sais, dans le noir. Non. Merci pour cette classe internationale. Elle a plus de muscles que Hulk Hogan, hein, c'est-à-dire. Vous savez quoi, on a bien fait de prendre des pseudos. Parce que là, moi, j'assume pas ce que vous dites. Hein. Moi non plus. C'est un tank, hein. Elle est Loki, second personnage, c'est Macri le cowboy, un bandit armé qui joue du revolver et qui a l'air bien puissant. Putain. Il s'agit sûrement d'un DPS. T'es sûr que tu t'es pas trompé, que tu parles pas d'un porno là, parce que franchement. c'est un cowboy qui arrive, il va jouer avec son gros revolver face au tank. Non mais sans déconner quoi. Ouais, c'est pour rester dans le thème. Ah, normal. Ouais. Une nouvelle carte aussi a été présentée, il s'agit de Watchpoint Gibraltar, où se jouera un convoi autour d'une charge explosive et que les attaquants devront faire arriver à destination. Et l'information la plus importante, c'est l'annonce de la bêta qui devrait arriver en automne. Pour Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard, une nouvelle map aussi, Tomb of the Spider Queen, qui se caractérise par un terrain de jeu réduit pour des batailles incessantes. Je sais pas si vous avez joué à Heroes of the Storm. Non, mais j'ai pas du tout reçu ma clé. Bah, par rapport à LoL, c'est enfoiré de Blizzard. Fight 24 heures sur 24. C'est déjà le cas dans Heroes of Storm en fait. Oui, c'était déjà le cas, mais alors là, une petite carte, c'est-à-dire vraiment petite par rapport aux autres, ça va être juste, on va se foutre sur la gueule, mais tout le temps, ça va être génial. C'est une grosse arame, si vous jouez à LoL, en gros, c'est une arame. C'est une arame LoL. Une arame. Tout à fait. Random, all mid. Les vrais savent. les vrais savent, ouais. Vas-y, Shonen. Non, c'est juste pour clarifier, une arame sur League of Legends, c'est juste une toute petite map où il y a vraiment que... C'est un couloir, quoi, donc si tu te bats, tu peux pas éviter le combat, quoi. Si tu veux aller de l'autre côté et gagner, tu dois te battre. Y a pas de jungle. Exactement, y a rien du tout. C'est, tu les rencontres, vous vous foutez sur la gueule, les gagnants, ils avancent. Voilà. Tout à fait. Seuls les vrais gagnent. Et enfin, pour finir, toujours avec Heroes of the Storm, un nouveau héros, Sylvanas, qui est connu dans l'univers Blizzard. Alors Sylvanas, il me semble que c'est l'espèce de... C'est un druide, non? C'est un... Non, c'est un dragon. Sylvanas. Alors tu confonds avec Shyvana. Non. Oui, non. Si. Non, Sylvanas, c'est, je crois que c'est un elfe de sang, un elfe de la nuit. Au pire, c'est pas grave, hein. Attends, c'est Sylvanas sur le vent. Oh, attendez, il faut qu'on vérifie. Non, non, c'est pas Sylvanas sur le vent. Pour moi, c'est un elfe. Ah si, quand je l'ai vu en direct, j'étais, oh putain, génial. Et si on passait à autre chose? Bon voilà, est-ce que donc Sylvanas, qu'est-ce qu'il y a sur Sylvanas avant de terminer? Il a mal au cul. Un nouveau héros. Donc Sylvanas ainsi que. Alors attendez. Quelle nouvelle map? Sylvanas, Jaya, tout va bien. Non, alors Baya avec son gros pistolet. Alors ne faites pas comme Proteus qui mélange tout. Là je parlais de Heroes of the Storm, pas de Overwatch. Excuse-moi. Overwatch. Overwatch. Qui est le TF Overwatch. Ah oui, en Team plus, Fortress 2 Killer. En plus, le super titre, pas du tout. Ouais, enfin, voilà, bref. Je ne tirerai rien de plus. Ça veut dire quoi, Overwatch, d'ailleurs? Traduit vraiment. Au-dessus de la vision. Ça veut dire au-dessus du visuel, tu vois. Au-delà du visuel. Transcendant. Tu vois plus que ce que tu ne vois. Peut-être un message caché de la part de Blizzard pour utiliser les fameux casques de réalité virtuelle. Faut pas trop fumer non plus. Ok, Erato. Superbe jingle balancé pendant que vous parliez. On va continuer sur le jeu vidéo. On va parler de DBZ Xenoverse avec toi, Shonen. C'est à moi, tout à fait. En plus, ça s'appelle Shonen. Hein, remarquez. Je te fais le générique à capella. Pour DBZ. Non, stop. C'est pas la peine. Et je n'ai pas de notes sur DBZ, donc on va faire dans l'à peu près. Il est sorti il y a 2 semaines à peu près, 2-3 semaines je crois, à 40-50 euros sur PC, hein, sur le PC qui compte. Ou moins sur Kikastu. Kikastu. C'était une blague de merde. Je m'en doute bien. Et donc, il a été assez innovant parce qu'on pouvait, c'est la première fois qu'on pouvait créer son perso, je crois, dans un jeu DBZ. Tu peux créer Krillin. Tu peux créer Krillin, mais tu vas mourir très souvent. Je pense aussi. Et donc c'est plutôt sympa, l'histoire assez originale où en fait il y a des espèces de démons qui s'amusent à modifier le temps et à modifier par exemple des événements du manga qu'on pensait établir, par exemple que se passerait-il. La mort de Krillin. Ouais. Que se passerait-il par exemple si Freezer ne passait pas. Par exemple Freezer il a 3 formes différentes. Que se passerait-il s'il passait directement à la forme 3? Il aurait buté tout le monde. C'est ça. Sauf que c'est pas censé se passer comme ça. Et du coup, nous, on fait partie de la police du temps. Et du coup, quand il se passe un truc comme ça, on arrive et on rétablit le truc. Genre, c'est justement, si Krillin il crève pas, on arrive et on le bute. Ouais. Tuons Krillin tous ensemble. En fait, c'est marrant. Du coup, t'es pas un gentil, t'es pas un méchant, t'es vraiment neutre. Ton but, c'est de rétablir. Oui, mais bon, vu qu'il arrive que des méchancetés, oui. Enfin, ouais, globalement, un gentil. C'est vrai que normalement. Des méchancetés. En gros, toi, t'es celui qui vient rendre les gens malheureux quand ils sont censés être, quand ils deviennent heureux par. C'est ça. Voilà. C'est quand il se passe des conneries. Si ça se trouve, il est totalement gentil, hein, Freezer. Hein. Ça se trouve, c'est un gros bisounours qui a juste besoin de câlins. C'est juste un incompris, hein. Il veut de l'amour. C'est pour ça qu'il a des grosses cornes. Il s'est fait tromper et du coup. Du coup, t'as pris ton pied sur ce DBZ. Ouais, je l'ai fini plutôt rapidement. Pas pratique pour jouer. Je suis pas niveau max. Soyez plus malin. Pas moyen de faire un test sur... sérieux sur ça. Non. Il y avait moyen. Donc ouais. Je vais arrêter de rigoler dans le fond. Bon Dieu, le qui ressaisis-toi, respire un peu. Donc désolé. Ouais, c'était une très bonne surprise parce que je crois que le dernier bon DBZ c'était Tenkaichi. Arrêtez de rigoler, bordel, c'est pas drôle. Tenkaichi 3 était vraiment bon. Ouais, Tenkaichi 3 était bon, Ultimate Tenkaichi était pas mal, mais après on a eu un truc genre Battle of Z qui était... Battle of Z. Battle of Z. Ouais, je m'en souvenais même plus. On va éviter les jeux de mots. Pourtant, qui était apparemment dégueulasse. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Mon dieu. Oui. Enfin bref, c'est un jeu vraiment bon, le seul gros point noir c'est les serveurs. Je crois que c'est fait par Bandai. Et ça fait 2-3 semaines. Ça fait pas bandé. Oh là là là là. Alors, on va mettre un logo moins de 18 en parce que là ça. On va ajouter un jingle, tu sais le. Ouais grave, non mais on va surtout ajouter la mention attention, blague de merde. Bon bof, ramenez vos bières. Et donc, on n'est pas alcoolisé du coup, là, l'humour ça va pas là. Imaginez avec ne serait-ce qu'un peu de panaché. Panaché. Non, stop. Tout de suite. 15-18. Et donc ouais, les serveurs qui sont vraiment dans un état mais enfin, dégueulasse quoi. Ça fait 2-3 semaines que le jeu est sorti et c'est pas possible de faire une partie en ligne convenable quoi. Tu te fais forcément déco au bout de un ou deux combats et 3 semaines avec ça sans réagir, c'est vraiment un peu du foutage de gueule quoi. Je veux bien te croire. Tu le conseilles tout de même? À tous les fans de DBZ, ouais. Ils vont peut-être rajouter une DLC pour avoir des bons serveurs. Il y a déjà DLC de prévu, que tu as, si tu as précommandé le jeu. Je crois c'est Vegeta Super Saiyan 4. Donc si vous aimez Dragon Ball GT... SSJ4, Vegeta n'est pas disponible d'office. Alors il est disponible en précommande. Oh ce foutage de gueule. Grave. Et tu peux le débloquer avec les boules de cristal. Ah bah ça va en fait. C'est pas donc ça prend un petit peu de temps. Genre comme dans tu joues à DB3. Je dirais, si tu sais comment faire en les farmant, ça te prend une heure ou deux. Ouais, voilà. Donc voilà. Et juste, il y a combien de places sur les serveurs? Les serveurs très serrés. On est 200 par serveur, je crois. Ouais, parce que c'est à moitié un MMO. Mal, hein. Donc du coup, ils regroupent les joueurs par 200, je crois. Je veux pas te dire de conneries, mais. De mémoire, dans je crois ces eaux-là. Ouais. Ouais, parce que apparemment ça tient même pas, donc ils sont pas capables de faire tenir 200 joueurs. Et donc là on va passer à la rubrique cinéma, on va parler du film Dragon Ball. Ben oui voilà, en fait on reste sur Dragon Ball. C'était à moi encore, c'est ça? On t'a coupé la parole, mais on va te la redonner tout de suite, Julien. Et la question c'est, est-ce que Krilin va mourir? On va la couper parce que j'ai dévoilé ton prénom. Oh là là. Pardon, la police attend tout seul. Chez moi. Shonen, c'est à toi. On va mettre un gros bip. En même temps, Shonen, c'est le seul qui a pas trop balancé. Hein. Donc c'est le seul qui est à peu près sécure quoi. Il a pas balancé sur les roues, il a pas balancé sur les Turcs. Je suis neutre. Si t'as balancé sur les Australiens, fais gaffe. Sur les Australiens. Ah oui, bah oui, oui. Ouais, bah, oui. Non, mais en même temps, les mecs ils sont tellement prudents. Podcast là-bas. À l'appui. Podcast. Alors Dragon Ball, il va avoir un film qui va sortir courant avril 2015. Tout à fait. Et je n'est-ce pas ? Réalise que c'est encore à moi d'en parler de Dragon Ball. Bah oui, mais c'est toi qui aimes Krillin. J'aime Dragon Ball, mais quand même. Tu aimes les boules de cristal hein ? J'adore les boules de cristal. Oh là là là. Je ne cautionne pas, là, c'est pas possible. C'est qui Cristal ? Oh putain, c'est dégueulasse. Je lâche mon casque, je me barre. Écoute, me tire d'ici. La fenêtre est juste là. C'est grande baie vitrée. Avec une super vue sur. Rien. Voilà. Mais si tu ne veux pas te faire défenestrer, continue. On enchaîne là parce que franchement. On se concentre. Et le dernier film Dragon Ball, je crois que c'était Battle of Gods. Qui était plutôt pas mal. Je sais pas si certains l'ont vu ici. Non. Non, toujours pas. C'était sympa avec un humour, avec beaucoup plus d'humour que dans le dernier Dragon Ball. Ça faisait vraiment un humour à la le premier Dragon Ball, les premiers Dragon Ball. Quand il était enfant. Par contre, je sais pas, Vegeta qui danse et tout sur scène. Vegeta qui danse. Tu pensais pas voir ça. Mais d'où ça vient? En plus, le titre c'est Battle of Gods. En fait. Non, bon sang. J'avais pensé tout à l'heure, je me suis dit que ça allait couler comme ça facilement. Oh là là. Non, merci Proteus. En fait, c'est une battle de danse un petit peu. Il y a Starlord qui fait un petit tour aussi. Non. Désolé la référence. J'ai compris. Si, j'ai compris la private joke. Ouais, non, mais bon. Et donc, c'est sympa. Ça ressemble au premier DB. Ouais, niveau humour, ça ressemble au premier Dragon Ball, ouais. Avec, de l'humour absurde, quoi. C'est pas. L'humour très raffiné, très subtil. Un truc un peu enfantin. Non plus, mais. Un petit peu. Les premiers Dragon Ball. Ouais, dans les premiers Dragon Ball, ouais, mais dans le film, non. Au niveau de l'animation, c'est bien léché. Faut qu'il arrête de rager. Ouais. Je change de verbe. Est-ce que l'animation est jolie? C'est pas un problème, L'animation est très jolie. Elle est vraiment pas mal. Elle est très bonne. Alors ça, c'est de la critique. Non, franchement, niveau animation, j'ai toujours été mauvais pour critiquer l'animation. Je trouve que tous les films d'animation sont bien animés. Sauf qu'on, oui, bon, quand c'est vraiment de l'animation de merde, je sais le reconnaître quand même, mais non, c'était plutôt pas mal. C'est toujours Akira qui est derrière, hein, Toriyama. Je pense, ouais, je pense. Par contre, on est vraiment un peu loin du sujet là, parce que à la base, quand même, on est censé parler du retour de Freezer. Du prochain, ouais, parce que ça s'appelle Fukatsu no F. En français, je crois que c'est le retour de F. Le retour de F. Waouh. Oh, mais qui est F? Qui est le mystère absolu. Suspens. Quel personnage commence c'est par un F? Qui est-il? Je crois qu'il n'y a aucun personnage en plus qui commence par un F dans Dragon Ball que Freezer. Peut-être un des cyborgs, non? Non, parce qu'il commence tous par C. Ouais, il commence par C. Sauf le Doc. Non, le Doc, il commence... Bien joué, futé. Docteur Gero, je crois, un truc. Ouais, voilà, c'est pas un C, hein, le Docteur. Non, c'est Docteur Gero. Ouais. Ouais. Fan ici. Et donc ouais, en gros c'est juste la résurrection de Freezer avec les boules de cristal. Et il devient tout doré. Ouais, et il peut se transformer et il devient tout doré. Sur le papier ça sonne vraiment comme une idée de merde, mais grave. Surtout que Freezer c'est pas la première fois qu'il revient. Il est revenu dans un OAV déjà, celui. Même au tout début il est revenu en Mecha Freezer. Oui, juste ouais. Après que Sengoku revienne, il est revenu après dans l'OAV de C17, Super C17, quand ils reviennent tous sur Terre là. Et je crois que c'est tout. Il se fait ressusciter. J'avais une galette avec l'épisode de, avec l'OAV de Janemba. De l'autre côté, c'était les gens qui revenaient des enfants. En fait, ouais, il revient dans deux OAV. Dans Super C17, je crois qu'il revient. Et dans Janemba, je crois qu'il revient. Ouais. Parce que le mec, en fait, c'est comme Krillin, on joue vraiment avec sa vie. Quoi. En même temps, c'est un super méchant qui est vachement bien. En fait, je suis pas sûr qu'ils aient réussi à trouver un méchant qui aussi autant fait flipper les gens. Quoi. Parce qu'il a quand même défoncé tout le monde, Freezer. Je trouve que Boubou était. Personnellement, je trouve que Boubou est meilleur. Boubou est. Ouais, mais bon, voilà, Boubou, il est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il a pas de personnalité, Boubou. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Freezer, il bute des gens durant la série, c'est un truc de dingue. Hein. Freezer, c'est le plus méchant des méchants. C'est un monstre. Tu vois, c'est pas celle qui va se poser, qui va faire venez me taper. Freezer, c'est je vais tous vous buter, et ensuite, je vais vous buter, et après, vous allez ressusciter, je vais vous tuer aussi. Je vais vous buter, je vais cramer toute votre famille et votre maison, c'est un peu ça l'idée. En gros, je détruis cette planète, et ensuite, je retourne détruire la vôtre. C'est. Contrairement à Boubou qui va te transformer en biscuit pour te manger. Oui, non, mais surtout que Freezer, je crois qu'il est connu dans toute la galaxie. Alors que Cell, personne ne le connaît, il vient du futur. Et Boubou, je crois pas que. Il a une grosse réputation aussi. Non, il a pas. Il est vieux depuis je sais pas combien de milliards d'années. Dans Battle of Gods, justement, puisqu'ils affrontent un dieu, le dieu de la destruction qui s'appelle Beerus, je crois, en VO. Et justement, il connaît Freezer. Il dit tiens, tu es Son Goku, alors comme ça, tu es celui qui a vaincu Freezer. C'est pas tu es celui qui a vaincu Boo ou celle qui celui qui a défait Freezer. Oui. Et en plus, maintenant, Freezer, il est tout doré. Surtout que Freezer, enfin, je sais pas, comparé à Boo ou à celle, c'est. Enfin, je sais pas. Il est plus badass. Ouais, non, mais niveau puissance, je pense que c'est un bisounours. Il y a de ça aussi. Ouais, mais justement, c'est pour ça qu'ils le font revenir pour qu'il soit meilleur à chaque fois. C'est comme Krillin. Oui, donc, c'est ce que je me suis dit, s'ils le font revenir sans le changer... Donc, le mec, est-ce qu'on peut retourner au cinéma sans avoir honte d'aller voir un OAV? Après Senseiya qui est catastrophique, après Albator qui est... Je vais jamais au cinéma pour voir des OAV. Et les Chevaliers du Zodiac, on en parle ou... Je préfère pas. Toujours pas vu. Moi non plus, mais j'ai pas envie. Je n'ai jamais vu, attention, les Chevaliers du Zodiac. Eh bien, tu peux sauter par la fenêtre. Je crois que c'était tout pour Dragon Ball, on n'a pas sucré... tu voulais dire quelque chose d'en plus? Non, il vous laisse taire. Oui. Alors, c'est parfait. Alors, on va terminer cette émission bientôt, mais juste avant ça, on va parler de Big Hero 6, ou plutôt les nouveaux héros en français. Alors, je crois que c'est toi, Loki, qui a la page Wikipédia sous les yeux. C'est exact, Bouillard. Alors que je n'ai jamais vu le film et je ne pense pas. Alors, c'est pour ça qu'on t'a laissé les fiches pour présenter un film que tu n'as pas vu. Ceci est le premier test de mon projet de robotique. Lui, c'est Tadashi, mon grand frère. C'est le 84e test. Bonjour, je suis Baymax. Il fonctionne ! Oh, c'est extraordinaire ! Il voulait aider l'humanité. Les gens disent qu'il sera toujours là, tant qu'on se souviendra de lui. Bonjour, je suis Baymax. Tadashi m'a programmé pour soigner les malades et les blessés. Vous vous remettrez. Allez. Je vais vous scanner. Non, me scanne pas. Scan terminé. C'est pas croyable. C'est comme faire un câlin à un marshmallow bien chaud. De nombreux témoins parlent d'une catastrophe majeure. Il faut le capturer. Je ne suis pas rapide. Non, sans blague. Défonce-la. Tape dessus. Tadashi m'a tout appris sur la robotique. Cette armure contredit mon image réconfortante et rassurante. Il est fabuleux. Oui. Pourtant, il est très sympa, hein, tu devrais le voir. Alors, je vais faire comme si je le savais. Les nouveaux héros, Big Hero 6 en anglais, est un long métrage et de 54. Un jour, il arrivera à dire un chiffre. Les classiques d'animation des studios Disney sortis en 2014. C'est un film de Hiro Hamada. Ah non, alors Hiro Hamada, c'est le héros principal. C'est le héros principal. Mais il a fait son propre film. C'est-à-dire que le mec n'existe pas. Il n'existe pas, mais il a fait un film sur sa vie. Voilà, bien joué. Faut quand même voir le professionnalisme des gens qui me donnent à dire un film que je n'ai jamais vu. Allez, vas-y, si tu veux, je peux te le faire à ta place. Non, je relève le défi. Hiro Hamada, okay. C'est un génie de la robotique qui apprend à maîtriser et exploiter son talent grâce à son frère, le brillant Tatashi, et leur ami Gogo Tamago, Tatashi. Accro à l'adrénaline, Wasabi, un maniaque de respect des et on est Lemon, une chimiste surdouée, et Fred, un fanboy convaincu. Ah ouais, non mais Fred, c'est un personnage qui est très particulier quand même. Hein. Ça je vous crois. Je l'ai détesté. Je l'ai trouvé tellement drôle. Il fait tellement comic relief. Non mais il fait vraiment mec complètement barré dans sa tête. Moi je le trouve très drôle. Enfin surtout que dès le moment où il a des photos dans le studio. Dès le moment où il a son petit costume d'alien là, ouais. Et où il se met à sauter partout en crachant du feu. Son costume il y va très bien. Ouais. Alors on l'a pas dit en fait. Loki, tu es le seul à ne pas avoir vu ce film. C'est pas grave. C'est pour ça qu'on j'étais en train de prendre des photos. C'est pour ça qu'on a choisi le NL est vachement aware, c'est le présentateur, mais il ne sait pas ce qu'on dit, c'est cool. Non, je supervise de loin. Ouais. En gros, ça fait 40 minutes d'émission et lui, il est là, tranquille. Moi, je mets des vannes, parle de quoi, je fais les lancements. J'ai vu une porte ouverte, je suis venu. Des portes ouvertes. Ah oui. Alors pour continuer le synopsis, Hiro Hamada va décider de s'inscrire, de postuler dans l'école de son grand frère Tadashi, mais celui-là va mourir dans un incendie. Alors avant de lire les fiches, est-ce qu'on serait pas en train de faire du spoil? Parce que c'est dans les 6 premières minutes. C'est pas du spoil. Disons que c'est à la 14e minute. Parce que ta fiche elle va jusqu'à la fin du film en fait, c'est ça le truc. Donc ne raconte pas l'histoire, bordel. Moi je savais pas quoi. Je savais pas ça quand j'y suis allé, je savais qu'il y avait un truc triste. Une mort, ce qui est pas mal quand même pour un truc de. Pour enfant. C'est Disney ou c'est. Il meurt comme un seigneur. Il meurt comme une merde. Ouais. Seigneur. Après, j'en ai vu plusieurs qui disaient qu'ils avaient été choqués par la mort d'un perso dans Disney. Mais on le voit pas mourir. C'est pas la première fois. Bambi, non. Les gens se souviendront plus de Bambi, je pense. Bambi m'avait traumatisé, j'ai jamais pu regarder le film. On a quand même vu le mec foncer dans les flammes, quand même. Oui, mais on l'a pas vu brûler dans notre souffrance. Je veux dire, c'est pas comme la maman de Bambi qui s'est pris une balle et qui a. Elle s'est pris une cartouche. What? Oh là là là là là là. Et après, elle s'est évidée de tout son sang parce que c'était pas le bon moment, non? C'était son sang, ouais. Ou pas? je comprends toutes vos vannes, mais j'ai. Non. NL, c'est fini maintenant, hein? On va se calmer. Mon pseudo va être pourri à jamais. Il a été sali. À cause de la cartouche, peut-être. Ce qui est génial quand même dans ce film. Le pro quand même, le mec, on dit des conneries, il arrive. Mais ce qui est génial dans ce film, alors je l'ai pas vu depuis le début, mais je vous explique que c'est génial vas-y. Je viens de voir ça, ils ont fait une ville hybride entre San Francisco et Tokyo. Ouais, San Francisco. C'est vraiment génial ce nom, San Francisco. Ouais, mais en plus, graphiquement, il faut être bilingue japonais pour le prononcer. Graphiquement, la ville est putain de belle, franchement. Ouais, je trouve par contre, on la voit pas assez. J'en ai vu qui se plaignaient que. On la voit pas assez, mais en même temps, pour les moments où on la voit, franchement, elle est vraiment bien foutue. Ouais. Le mélange est bien dosé et tout, ça fait vraiment pas déconnant. Moi, quand j'ai vu sur le script mélange entre San Francisco et Tokyo, je me suis dit waouh, ça va être très un moche. Peu risqué, ouais. Ça reste même très cohérent en fait avec ce qu'on a actuellement. On peut dire la défense, est-ce que ça ressemble à la défense pour nos amis parisiens? Alors là, franchement, c'est il n'y a qu'un pas. C'est un petit peu plus futuriste quand même que la défense. Hein. C'est plus funky, on va dire. Les persos, ils sont tous japonais, je crois, en plus. Non. Dans leur nom. Pas Fred. Pas Fred. Mais Hiro, Tadashi. Le mec avec les lames laser, là. Ah oui, non, mais lui, il est tellement anecdotique. Non, mais les blagues. le quota. Non, mais il y a aussi des. Ah, il peut être noir asiatique. Il y a aussi des pros. Il y a des pros. Non, enfin, oui. Bah, alors écoute, tu les trouves et tu me dis. Je crois qu'il y en a. On va demander à Apple. Paul, mais qui est Paul? Apple. Tu sais, Apple. Wow. Les émoticônes, les roues. Tu sais, on en avait parlé en début d'émission. C'est toi le présentateur. Oui, j'ai mal entendu. Veuillez m'excuser. Mes pauvres petites oreilles. Non. Donc, peut-être que Loki veut continuer ou non. C'est pas la peine. Non, c'était juste pour finir, juste pour vous dire que ce film dure 102 minutes. Ouah, c'est de l'info, putain. je peux pas spoiler. C'est le truc que je veux savoir. Je peux pas lire la fiche Wikipédia, sinon je vais vous spoiler. Donc ouais, voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est un film qui est sorti en 2014, qui dure 102 minutes et qui a été fait par Disney. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il avait filtré dans le cadre des piratages de Sony. C'est faux. Non. Il était disponible en torrent. Ah oui. Sûr. Bah... Il était disponible en torrent 4 mois avant, comme Birdman d'ailleurs. Qui est allé le voir au cinéma? Ah oui, c'est une bonne question. Qui a payé pour ce film? Alors, je crois que je vais sortir 2 secondes. Je crois que personne ne lève la main. Eh bien, je... Ouais, non, parce que en fait, moi, je m'en suis rendu compte, mais après la sortie du film, que le... J'ai cherché le torrent et j'ai vu qu'il était sorti en novembre, je crois, alors que le film est sorti en février. Donc du coup, ça va. C'est vu que c'est un film d'animation Disney, ça va pas trop impacter sur les ventes. C'est Sony qui avait le film. Oui, c'est Sony qui avait le film. Sony a beaucoup de droits sur les personnages Marvel. Mais un truc dont on n'a pas assez parlé, je trouve, c'est que c'est la première collaboration entre Disney et Marvel. Ouais. C'est adapté d'un manga de Marvel que j'ai lu. Ah non, c'est pas un manga de Marvel, non, c'est un comics. Ouais, oh là, pardon. Attention. Hein. Quelle horreur que je dis. Je sais pas si vous avez vu la gueule du comics original, mais putain, ça n'a aucun rien rapport à voir du tout. Baymax, c'est un putain de Transformers. Le film, c'est un ballon de baudruche. Alors, dans le film, Baymax, ouh, toutes les feuilles qui viennent de s'envoler, c'est magnifique. Alors, dans le film, Baymax, je trouve qu'il est très mignon. C'est le perso qui fait aimer le film. Quasiment. Il porte le film. Il porte carrément le film avec ses petites répliques et ses moments trop mignons, genre. On le voit avec sur sa putain d'art. De 1 à 10, quel est votre degré de souffrance? Oui, et puis surtout. Baymax ressemble un peu au personnage de Michelin. Ouais. Mais en plus mignon. En plus mignon, et surtout, même quand il a sa grosse armure de robot méchant, machin, il se présente à ses potes, et là, il y a un petit papillon qui passe, et il décroche complètement, et il suit le papillon en faisant comme ça. Enfin, c'est vraiment un personnage très très mignon et qui porte le truc. Mais dans le comics, c'est des gens beaucoup plus matures. Là, en fait, c'est des ados un peu. Un peu déjanté, scientifique, etc. Alors que dans le comics, pas du tout. C'est des mecs beaucoup plus sérieux qui bossent pour le gouvernement japonais, qui doivent faire des interventions. C'est assez dark en plus. Ils avaient participé au dernier arc où il y avait eu le Docteur Octopus dans Spider-Man. La dernière fois où ils où c'est vraiment lié à Marvel. Hein. C'est putain de lié à la Marvel. En fait, sur le dernier arc où il y avait eu Octopus, c'était avant qu'il crève, entre guillemets, parce que bon. Après, il a pris possession du corps de Peter Parker, je sais pas trop comment, mais voilà. Et en gros, dans celui-là, Spider-Man s'était allié à plein de héros à travers le globe, et notamment les nouveaux héros, enfin les Big Hero 6 au Japon, qui a été intervenu sur un mec qui contrôle des spectres. Enfin, c'était très chelou. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, c'est beaucoup plus mature dans les comics, et j'ai trouvé que leur culture de jouvence pour les adapter à un public plus jeune était vraiment bien foutue pour le coup. Parce que c'était... Vu le truc du départ, pour faire ça un film d'animation, franchement, c'est bien relevé. Hein. Mais maintenant, je vois pourquoi j'ai dit manga Marvel, parce qu'ils ont sorti un manga sur le film. Je crois qu'il n'a pas exactement la même construction, il y a quelques petites divergences, mais ouais, ils ont sorti. Il s'appelle même pas Nouveau Héros, il s'appelle Baymax. Alors, ce que je trouve très drôle avec Marvel, c'est qu'ils font des adaptations de comics, qu'ils adaptent en comics. C'est super. En manga, ouais. Non, parce que, enfin, comment. Il y a un projet, ça d'ailleurs, d'adapter des mangas. D'adapter les personnages de chez Marvel en manga. C'était passé sur Game One. Il y avait un truc avec Wolverine. Il y avait un truc. Ils ont annoncé par exemple Spider-Man en crossover avec l'attaque des Titans. Ouais. C'est surprenant. Hein. Ouais. C'est pas ce qu'ils prennent chez Marvel, mais. Non, mais, enfin, il y a aussi des rumeurs dans la mesure. Coke, sans doute. Oui, mais de toute façon ils vont c'était rhétorique comme ils vont faire un petit peu exploser la continuité, enfin ils l'ont annoncé, donc leur but ça va être, enfin ce qui est marrant c'est que ils vont essayer de détruire la continuité pour caler leur univers sur leur film, sachant que les films sont censés être calés sur leur univers, c'est-à-dire qu'ils adaptent un truc pour l'adapter ensuite. Wow. C'est très particulier. Toujours plus et de tout fric. Ça dans une logique pour toujours plus de cocaïne, plus de coke, donc plus de fric, trop pris, plus d'idées encore. C'est une boucle sans fin. De l'argent, de l'argent. En tout cas, Loki, on te conseille d'aller voir ce film. Et à vous aussi, auditeur, toi, ouais, auditeur, nous te conseillons de voir ce dernier Disney. J'ai peut-être un argument qui va vous faire bouger vos fesses de vos fauteuils. C'est Kian Kojandi. C'est Kian Kojandi. Kojandi. Ouais, mais le mec de Bref. Voilà, exactement. Le même de Bref qui fait Baymax. Qui fait la voix de Baymax. Merci. C'est fini. Alors on a fini avec la rubrique, c'est la fin de cette émission. Oh, ouais. Enfin putain. J'aurais espéré un oh les amis, non. Et c'est ouais. Triste. Oh, blague de ouais, cul, c'est très triste mec, mais on blague a fait... Blague de cul, j'en ai plein le cul. On a genre encore 3 minutes. J'ai proposé avant de commencer cette émission en off qu'on fasse un petit tour de table à la fin de chaque épisode. Mais là... On commence par toi Shonen du coup, vu que tu en as plein le cul. Oh ouais, putain. Bien sûr, de quoi. Allez, attention à ne pas péter par contre, ça serait dégueulasse. Moi je bien sûr, et de quoi je parle? Un petit. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode? Il est déjà plus propre, on a oh décidé de le faire. Oh là là là. Tu trouves. Alors, si lui il est plus propre, celui d'avant, je peux même pas l'entendre. C'est notre quatrième pilote, et je crois que celui-ci va vraiment être diffusé. Bah, si vous l'écoutez. Mais par contre, il est un peu long, je trouve. Hein. Il est un peu long. Nos auditeurs vont en avoir plein le cul aussi. Sans doute. Les autres épisodes étaient un peu plus bordéliques, alors là aussi c'est fait un peu. Ah, parce que là on n'était pas bordélique. Ouais. Eh, mais là, sachez que là on est sage et professionnel. Entre ah les, ouais entre les sans mains, déconner. Je tiens tout de même entre les mains un fil conducteur. Ouais. Si t'es pas le cas on a avant. Tous un conducteur. Enfin, on est censé avoir tous un conducteur. Mais bon, je ne vais pas. Je suis le seul à ne pas en avoir, je suis à l'arrêt. Tout je ne vais pas te spoiler la parole, Shonen. Tu as quelque chose à dire, une remarque. Mais si tu veux te taire, tu en as le droit. Non, non. Ou sinon, tu te tais à jamais. À non. Jamais. Après, on te balance par la fenêtre. Juste le truc. Comme donc, peut-être. Je suis le plus content. Je sais que ça va. Enfin, ça va gueuler. C'est la suite de la Reine des Neiges. Putain, mais ta gueule. Ta gueule. J'adore ce film. Non, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Shonen a un petit t-shirt La Reine des Neiges. Ah oui, ce qu'on n'a pas dit. Oui, c'est important à dire, parce qu'il est au taquet, lui, sur La Reine des Neiges. Ouais. Mais quand je parlais de tour de table, alors j'avais envie plus de parler de l'émission en tant que telle, en gros. Ah, de l'émission ouais. Elle-même. Oh, c'est pas mal, hein. On a mangé une bonne pizza avant. C'était pas mal. Non, c'est pas mal, mais la prochaine fois, ouais, le film, faudra que ce soit quelqu'un qui l'ait vu, qu'on parle. Ouais, parce que là, franchement... Parce que Loki, il y en a 4, il y a 3 l'ont vu, et c'est lequel qui en parle, c'est ça qui... Bon, alors ça, on le reverra. Merci, Shonen. Et Loki, avant de décéder, qu'as-tu pensé de cette émission? Il a tellement ri. Non, très bien, très bien, j'ai beaucoup ri. Il est vrai, surtout sur la blague. Alors, j'avais un mème qui me venait avec Kim Jong-un dans la tête, où c'était avec un Asiatique qui disait « Ah, quand on nie, on est, quand on rit, on est ». Enfin, c'est un vieux jeu de mots. Ouais, alors ça, quand, c'était nul. Quand on rit, quand on est. Ouais, non, c'était ouais. Un vrai jeu de mots. Merci, Nine Gag. Et bien maintenant, tu peux sauter par la fenêtre, Edel. C'est parti. Sinon, pour l'émission. Ah, si, j'ai juste un reproche, c'est qu'on a que 3 micros. Ouais, et du coup, c'est assez chiant. Oui, c'est très chiant quand on veut prendre la parole d'un côté. Et bien, prenons la parole par tous les côtés. On essaiera de réparer cette technique. Ça va aller, je crois que tous les côtés sont pris. Sinon, ouais, bref, c'est cool. Tu t'es bien sinon... amusé. Ah oui, oui. Tu reviens la semaine prochaine. Je reviens la semaine prochaine. Faut qu'on enlève le micro à Proteus. C'est lui qui nous perturbe, la réa. Je trouve que ça rajoute du peps à l'émission. Mais justement, Proteus, vu qu'on parle de toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette émission? Toi qui es venu un peu... étais un peu l'outsider. Et bah, c'était sympa. J'ai envie d'utiliser ce mot. Juste, j'ai trouvé que c'était... Enfin, on s'est laissé aller et tout. Au début, on voulait faire une demi-heure. Au final, on fait 50 minutes. Bientôt, j'aurais plus le truc pour balancer les jingles puisqu'il se ferme dans 50 secondes, mais c'est pas grave. Brod. Ouais, non, mais t'inquiète. Mais après, ouais, c'est sûr que si on reste détendu comme ça et tout, c'est cool. Enfin, et puis je voyais Loki qui a failli faire 3 crises cardiaques. On aurait pu faire le buzz, hein, mais promis la semaine prochaine. Peut-être qu'il sera filmé là. Peut-être qu'il décédera la prochaine fois, on fera le buzz, on vendra l'émission. On se fera de l'argent et on prendra de la coke, comme les mecs de Marvel. Ce sera peut-être cool. Alors, il reste, merci les gars, je remercie du coup Shonen, je rappelle qu'il était avec nous, Loki, Proteus et moi, Enel. Il reste genre 10 ou 14 secondes, 13, je sais pas si 12. On va faire le timer, le décompte. 10, merci de nous avoir 9, écoutés jusqu'à 8, la fin de cette émission, on rajoutera 7, peut-être 6, un petit son à la fin. On 5, vous fait des bisous sur 4, toutes les fesses, 3, ciao, à la semaine 2, prochaine les gars. 1.